de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit 7 matchs. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, 7 matchs. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour le Planet Rap avec 7 matchs. Comment ça va, messieurs? Ah, tout va bien, très là. Bien. Bonsoir, bienvenue à vous tous. L'album est dans les bacs depuis une semaine maintenant. C'est ça. Même un petit peu plus. Yes. Ouais, depuis il s'appelle Cozy Bang Bang. C'est ça, ah, t'as envie d'un truc là. Bah, t'as envie d'un petit truc. Pense, gros. On ne peut pas débuter, on ne peut plus débuter l'émission maintenant sans exactement. Il y a du monde ce soir ou quoi? Non, j'entends rien, il y a du monde ce soir ou quoi? Alors, ça fait cozy, bang, bang, cozy, bang, bang, cozy, bang, bang, cozy, bang, bang. Tout va bien, ça va beaucoup mieux d'un seul coup. Bon. Ouais, moi je me sens bien. Là, on peut attaquer façon Fort Boyard avec cet match qui sont nos invités entre façon frères. Fort Boyard. Ça m'a marqué, ouais. C'est le cri de guerre. Ça m'a marqué. On va récupérer des Boyards ce soir encore jusqu'à 21h. J'espère aussi. Plus qu'hier. Il y a beaucoup d'invités, je vois. Hein. Beaucoup de monde. Je sais pas si vous voyez. Bah, on peut les voir, ceux qui ont les images sur le skyrock.fm, sur l'application aussi. On peut mater en direct les images. On fait un petit tour maintenant ou dans quelques minutes? Si tu veux, on peut commencer maintenant. Ouais. Vas-y, Gidi, je te laisse faire. Bon, bah là, il y a la grosse équipe. Il y a une équipe de Perpignan qui est montée avec Hassan, Demo et les Frangins de Poussière Urbaine. Il y a Mister V, il y a Tortoise, il y a mon gars Muntali, il y a Enzo, il y a le Perfect and Crew, il y a 2H, il y a Josman, il y a Easy Dew. Il y en a peut-être qui sont cachés dans mon dos. Giorgio, qui est juste derrière. Voilà, qui est dans ton dos, qui est là. Il y a Starion derrière. Rimka Chennai. Donc ça va être un gros freestyle. Il y a Mister V, gros freestyle de prévu. Ouais. Ce soir, ça va être 25 minutes, facile. Facile, je pense. On attaquera aux alentours de 20h20 à pas louper le gros freestyle. C'est quoi? C'est des gens qui sont autour de vous avec qui. C'est depuis plus ou moins longtemps, ouais. C'est des gens qu'on fréquente, qu'on croise, avec qui certains d'entre nous ont fait des sons. Ou c'est pas. En soirée, on se parle. Voilà, c'est que des gens avec qui on a eu des rapports très simples en fait. Des rencontres scéniques, juste comme ça. Même de la rigolade. Très bien, ouais. Avec Mister V qui est avec nous, qui est de retour. Il vient sur Planet Rap. Ouais, mais j'ai vu ça, ouais. Il vient dans Planet Rap, il vient soutenir. Et d'ailleurs, je pense qu'on aura un album de Mister V d'ici la fin de l'année. Moi, voire 2016. Et là-bas. Voire 2016. Annonce-le, en exclusif. Bonsoir, ça va bien? Ça va, mon pote. Tu as une très belle tenue. Ouais, merci. Très, très belle tenue. Tenue sponsor killer. Chez la gang. Et là, je suis là pour voir cet match et mon frère jumeau notamment. Exactement. Nice. Je savais pas, mais c'est vrai qu'il y a. On a la même tête. Il y a une ressemblance entre vous deux. Ouais, un peu, ouais. Il y a un truc qui se passe, quoi. On nous confond. Vous êtes renseigné? Il y a des tests ADN? Non, on veut pas avoir de mauvaises surprises. Il y a des tests qui ont été faits, non? Rien. Même pas, mais on nous confond souvent, ça c'est clair. Bon, et pour revenir à l'album cette année. Ah, mais c'est pas ça le sujet, mon gars. On est là pour causer bang. Cozy, bang, bang. Ah, vraiment très très nul celui-là. Vraiment, la personne a suivi, c'était pas du tout. Bon, je pense qu'on va passer encore une bonne soirée avec 7 matchs entre 20 et 21 et on débute d'entrée de jeu avec un morceau, là, faut y aller. Hein. Comme d'hab. L'hymne. International. Kush. C'est parti. Yeah, my man. Cozy, bang, bang. Le 3 octobre à la Cigale, Paris. Brrr. Yeah. Même si elle passe par toutes les chubs, ou voilà ce qui m'éclate. Je les aime grâce, c'est relou. Je la connais depuis tout petit. La loi m'a donné les doubis poulets. M'oblige, elle a quitté. L'histoire est inarrêtable. Je reste avec elle à tout prix. Je la suis partout, je vais la groupie calmer. C'est elle qui m'a bridé. Personne résiste à ses charmes. J'avoue qu'elle est possessive. Elle me rend mou trop chétif. L'amour, elle s'en bat les couilles. Elle veut du papier. Quelle salope quand elle hausse les prix. Fallait bien qu'elle monétise. Top, j'ai pris. Faites-moi sentir son parfum dans la salle. l'avance déshabillé. Je ressens sa présence dans nos concerts. Oh, elle m'a tué, elle m'a eu. C'est elle qui m'a fumé, elle m'a vu. Dans tous mes états, doux végétal, je l'aime démaquillé. Je l'aime la cure. C'est pour mes gars sur au visage pâle. Qui la préfère bonne et mature, Lisa Anne. Depuis je l'ai quitté, mon négro, maintenant je me tue au Jaga. Je la fréquentais au lycée, elle me finançait mes quelques achats. J'avais les yeux qui brillaient quand je la voyais, ça fait en Prada. Encore une qui pensait tranquillement s'installer dans ma vie de pacha. Je l'adore, chimique dans ma tête, elle est la bord. Des pensées saines ou des pensées ternes, je vois mes neurones qui s'évaporent. Elle danse dans le vent, comme la mif, je l'ai dans le sang. Elle fait des miracles, chaleur et mirage, elle m'aide à rester dans le temps. En collant résine, je l'ai croisée en médecine. Je lui souhaite autant de liberté que j'en souhaite à la Palestine. J'aimerais bien qu'elle me laisse tranquille, qu'elle se casse, que je m'émancipe. Et quand elle chope la grosse tête, je la déracine. Dans le fond, c'est la seule, je ne veux vraiment pas la quitter. La flamme pourra toujours se raviver, se réanimer. Son départ laisse toujours une odeur fraîche dans le cendrier. Si elle n'est plus là, c'est le drame, je me remets à teaser. Baby, baby, baby, baby. À l'instant, donc, ce morceau que vous retrouvez sur l'album Cozy Bang Bang, l'album de 7 et Match, avec nous entre 20 et 21, avec beaucoup d'invités, on le disait. Yes. Ouais. Et ça me permet aussi de vous poser une question par rapport à vous, les souvenirs gamins de rap, les grosses claques que vous avez pris en rap français ou rap ricain. Oh là là, il y en a eu tellement. C'est quoi, plutôt rap français, plutôt rap ricain, vous ça a commencé avec le rap français. Sayan Soupa, je pense. Ouais, on en a parlé en début de semaine. Ouais, côté scène, ouais, côté C. Moi, mais même IAM, NTM au début, et même le Wu-Tang, tout ça. Moi, je suis un peu la génération un peu avant. Je dirais plus 4 connexions et Snoop Dogg, The Last Meal. Right. Moi, j'ai découvert rap qui arrive avec ça. Ouais. Style Dre, bien sûr. Style Dre, la base. 50, la base. Ouais, il a bien fait mal quand il est arrivé, lui aussi. Lil Wayne aussi. Mais là, en ce moment, il y a du plus chaud. Il y a Travis Scott, Oui, ce que j'allais dire, là, vous sentez proche de quelle scène actuellement aux États-Unis Je me sens très proche de Kendrick Lamar, personnellement. Kendrick. Non, je sais pas. Young Thug, c'est bon. Dernier album très bon de Kendrick aussi. Bah, excellent. Même après, c'est pas tout à fait les États-Unis, mais Drake est vraiment très très fort. Ça proquille un peu aussi. Staples, il est vraiment très fort aussi. Il y a plein, LSD. Il y a toujours des gens en fait. LSD dans sa proquille, c'est vraiment une vraie performance. Stapferg, il fait très très mal aussi. Petit favori pour Schoolboy Q. Schoolboy Q aussi. Voilà. C'est vrai qu'il est chaud. Ça, c'est ce qui tourne beaucoup en ce moment, ce que vous écoutez beaucoup. Ouais. C'est ce qu'on écoute pas mal. Et puis votre album aussi, il faut dire. Que ça quasiment. C'est un petit peu votre album aussi qu'il faut écouter en ce moment. C'est clairement que celui-ci qu'il faut écouter même en ce moment. Ouais. Il s'appelle Cozy Bang Bang et il y a une tournée aussi à pas louper avec cet match, les prochaines dates. C'est samedi déjà d'entrée de jeu, samedi. Ouais, des Monts d'Or. Du côté de Lyon. Exactement. Samedi et dimanche même. À Paul-et-Mieux au Mont d'Or. Il y a les deux soirs où on joue samedi à Lyon au des Monts d'Or et on revient jouer ici direct pour le Move Live Show. D'accord. On fait une petite apparition. McTyre, Siana et d'autres. Il y aura du beau monde. 3 juillet, vous serez aux Eurocaines de Belfort. Exactement. Venez avec Giorgio qui est là ce soir d'ailleurs. Giorgio. On peut saluer aussi, ça vient Giorgio en pleine forme. Qui lui aussi bosse durement sur son album. Yes. Ouais, mais je crois qu'il est fini ton album. Ouais, je suis sur la fin, mix, mastering et tout. Ouais, il y a déjà un morceau qui est sorti. Ouais, Appel à la Révolte. Exactement. Très lourd. Non, on a vu. Et Giorgio sur scène, c'est pareil aussi, incroyable. Hein. Ouais, il fait le fou. Très, très chaud. Il a fait scène. On s'est rencontré sur scène en fait avec cet match. C'était à Dijon. Ouais, on a le même ingé son en fait qui est assez fou d'ailleurs. Je passe un Cédric Cédro. Ouais. Voilà. Et je disais, ouais, pour Giorgio, ce sera la rentrée, toi, ton album. Ouais, rentrée, un album avec une façon de financer l'album aussi intéressante, hein. C'est le premier dans le rap, je suis en train de chercher. Je sais pas si c'est le premier, mais c'est le premier qui a fait autant, quoi. Pardon, c'est vrai que j'aurais dû poser. Oui, c'est vrai que t'es peut-être pas le premier là-dessus, mais le premier à avoir récupéré autant d'argent, autant de gens qui croient en toi. Via un site justement qui permet d'investir. Et déjà millionnaire sans avoir sorti d'album. Excellent. Et donc ça arrivera quand? Ça arrivera en octobre. En octobre, ouais. À suivre donc Giorgio qui sera présent au live d'ici quelques minutes. Aux Eurocaennes donc, et après il y a d'autres dates notamment. Ah oui, voilà. J'ai oublié. Mais c'est toi qui les connais celles avant. 25 juillet à Ribérac au festival Le Grand Souk. Exactement. 22 août à Marseille. Le Positif Festival, d'ailleurs il y aura Joke et Nekfeu aussi. Voilà. Sur le même plateau donc ça va être très chaud. Donc 22 août à Marseille et le 3 octobre à la Cigale de Paris. Prenez vos places, elles sont dispo. Ça part assez vite donc dépêchez-vous. Attention. Et je suppose qu'il y aura aussi d'autres dates entre temps parce que vous tournez beaucoup. On a un album à défendre là donc. Et ouais, il y aura une grosse tournée à la rentrée également. Très bien, voilà. Pas louper dans un instant, dans gros freestyle ville. Je voulais qu'on mette aussi pas mal de sons ce soir puisqu'il y aura beaucoup de freestyle dans un instant. Et exceptionnellement pas de freestyle par téléphone. Donc j'ai une petite question pour ceux qui veulent repartir avec la tablette Samsung Galaxy Tab à l'occasion de la sortie du film Poltergeist qui est sorti aujourd'hui. Champagne. Pour la sortie du film ça. C'est pas... Je l'ai pas vu arriver celle-ci. Moi non plus. Petite question simple. Allez. Vous envoyez la réponse avec le hashtag 7 et match sur Skyrock au 41759. La question est la suivante. De quelle ville sont originaires 7 et match? Ça pique ça. Ah merci. Moi, je dis, ça c'est non. Pas facile. Merci beaucoup. De quelle ville, allez-y. Ouais, très dur. Très très dur. Très compliqué. Mister V, une petite idée peut-être hein. Ouais, je pense à la Bretagne, mais. Tiens, bois, ça te prend du bien. Du côté de la vallée de Dana, on est ouais. De la vallée de Dana, ouais. Gros track. Exactement. Et j'ai envie de demander aux gens aussi d'où c'est qu'ils ont envie qu'on aille les voir, dans quelle ville on débarque. Et eh bah ben, allez-y, vous balancez tout ça avec le hashtag c'était match sur Skyrock et on écoute, on avait dit quoi comme morceau? Silence. C'est Silence? Ouais. Silence qu'on balance? C'est allez, extrait de l'album Cozy Bang Bang, bang, bang. Avec c'était match sur Skyrock. Si jamais je crève, si jamais je laisse tout derrière moi, je vous laisserai un souvenir, un parcours qu'on respecte. Loin des excès, j'ai grand besoin de refaire. Loin de vous, loin de tout, mon écran, je demande juste qu'on me laisse faire. Ta vie, je vis la mienne et on pourra dire. Je veux pas être de ce qu'on shoot. Négro, je recherche juste mon second tour. Besoin de silence, besoin qu'on me fout de la paix. La rue me démange, les gens se poussent et me dérangent. Tête dans le cirage, impression d'être soulagé. Je laisse la huit faire, je ferme les yeux, tombe en arrière. Je ne veux du mal à personne, de compte à rendre à personne. Seul dans mon trip, face au tube cathodique, je défie le diable en personne. J'hiberne jusqu'au printemps. Je médite, je me remémore les tripes de mes 20 ans. Loin du ciment, je pense à mon crew, mon équipe, je suis libre sans équipement. Je suis soulagé, tu es découragé. Ici je taffe dur, si je t'assure, toute l'année. Esprit foudroyé, jamais soudoyé. Que la weed m'entraîne avant que je devienne fou allié. La tête ailleurs, immobile, le regard dans le vide, dans le mille. Mon esprit fuit, se relaxe tranquille. Juste un instant, loin des autres, des mauvais présages m'échappent. J'en ai le corps qui tressaille. Seul avec un grand silence, détendu comme un bon dimanche. Loin des gens, tout ça n'est plus qu'un souvenir lancinant. Moi seul et mon impertinence, ça fait du bien pas quand j'y pense. Loin des rangs, plus qu'un souvenir qui s'efface gentiment. Besoin de silence, besoin qu'on fout de la paix. La rue me démange, les gens se poussent et me dérangent. Tête dans le cirage, impression d'être soulagé. Je laisse la huit faire, je ferme les yeux, tombe en arrière. Si jamais je crève, si jamais je laisse tout derrière moi, je vous laisserai un souvenir, un parcours qu'on respecte. Loin des excès, j'ai grand besoin de refaire. Loin de vous, loin de tout, mon écho, je demande juste qu'on me laisse faire. Toute ta vie, je suis la mienne et on pourra dire. Je veux pas être de ce qu'on shoot. Négro, négro, je recherche juste mon second tour. Thank you. Silence à l'instant. C'est silence. C'était ouais. Match avec nous entre 20 et 21 et l'album Cozy Bang Bang. Toujours. Sur Skyrock. Dans un instant, on va attaquer le freestyle puisque je disais, il y a du monde ce soir dans le studio. Il y a, monde, ça, ouais. Y a peut-être des nouveaux noms qui sont arrivés. Il y a Chiller Gang qui arrive. L'équipe de Red Bull. Toujours aussi, à l'heure. Si on peut citer, au calme. Ils sont là. Au KLM. Ils sont derrière, juste derrière toi. Il y a plein de Red Bull. Ils sont, où? Faut poser, On place toute l'équipe dès qu'on... Putain, mais c'est parfait, on a le champagne, on a le Red Bull, non, les gars, on attend quoi? Moi, je pense qu'on peut refaire un Cozy Bang Bang si les gens sont chauds. Ah ouais, là, on peut. Doubler le Cozy Bang Bang. Je suis toujours pas retourné pour voir le nombre de gens qu'il y avait derrière moi. Faut que ce soit plus lourd que ça, les gars. Ça va ou quoi, l'équipe? Ouais. Non, j'entends rien, ça va ou quoi? Et ça fait cozy cozy bang bang, cozy cozy bang bang, cozy cozy bang bang, cozy cozy bang bang. Quelle ambiance incroyable. Bien, dans un instant, du live. Et tiens, hier soir, c'est vrai que nous recevions dans le studio, je vais faire un petit clin d'œil justement à ceux qu'on appelle dans les médias les migrants. Yes. Il y avait Ousmane qui était là, qui fait partie d'un campement qui a été évacué à la chapelle. Et puis on est parti sur un truc où je sais qu'ils ont besoin. Alors, il y a quand même pas mal d'associations qui leur portent aide et on les salue d'ailleurs au quotidien. Mais il manque de, et ça peut paraître très con, mais de paires de chaussures et de chaussettes. Voilà. Donc on va essayer d'organiser un truc puisque vous tout de suite vous avez dit, ah ouais, ok, on y va. On va essayer de filer un coup de main là-dessus. Même pour te dire, on n'avait rien demandé. Il y a un pote à nous qui est graphiste, qui nous a déjà envoyé une espèce de visuel. Voilà. Donc, on postera ça ce soir, mais je crois qu'il faut donner un point de rendez-vous. Vendredi avant le Planète Rap, donc aux alentours d'ici, si vous voulez passer un peu avant, vous inquiétez pas. Hein, tout au long de la journée, si vous voulez passer en bas de la radio, à la radio qui est au 37 bis rue Greneta, dans le 2e à Paris. Voilà. Pour tous ceux qui peuvent apporter, je suis sûr que vous avez tous dans les placards des chaussures qui traînent. Faut donner des paires de chaussettes qui traînent. Voilà. Vous avez pas des trucs crado, évidemment. Oui, pas les chaussettes que t'as mis hier, les petites chaussettes calmes, des baskets posées. Des petits, non, voilà, petite paire de baskets que vous mettez plus, qui était bien à une époque. Ouais, tout le monde a ça, généralement. Donc, n'hésitez pas, vous les apportez à Skyrock vendredi. Quelle heure? Bon, on peut dire 19h, mais s'il y en a qui viennent un petit peu avant ou même après, on réceptionnera et puis on ira les filer directement au campement qui en ont besoin, à tous ceux qu'on appelle donc dans les médias les migrants. Et merci à vous, donc c'était Match. Bah, avec plaisir. Yes. Bah, nous, on fait un post demain sur notre page Facebook pour booster le truc. Et terrible. Donc, vendredi. On s'engage à ramener même des chaussettes, nous. Et bah, nous aussi. Bon, frère. Voilà, Scarlett. Nous aussi, on a une plein de belles paires de chaussettes dans l'équipe de Skyrock, franchement. Right. On va filer ça, on va trouver des paires de pompes et on les filera donc vendredi. Venez à la radio, aux alentours de 19h, les déposer. C'est au 37 bis rue Greneta, dans le 2e. Et merci à vous une fois de plus, c'était Match. Mister V, paire de chaussettes, un truc à nous lâcher. Oh putain! Attends, surtout de nouvelles, tu vas nous les laisser, celle-ci. Les Jordan, ils vont faire quoi? C'est bon, j'envoie des trucs mieux que ça encore. Ah. Mec, on est bien tiré. T'as eu chaud. Bon, le Planète Rap revient dans un instant. Bougez pas avec l'équipe de C'était Match et leurs invités. On attaquera le live juste après. Skyrock reçoit 7 et Match pendant une heure complète ce soir. Planète Rap, 7 et Match. 7 et Match avec nous et l'album Cozy Bang Bang à découvrir. L'album est sorti la semaine dernière. Allez le télécharger légalement ou alors prenez-le avec l'objet, avec le CD aussi. À la Fnac ou ailleurs. N'hésitez pas. Et pour répondre à la question, évidemment, il y a eu un flot de bonnes réponses. La question pour repartir à l'occasion de la sortie du film Poltergeist avec la tablette Samsung Galaxy Tab, évidemment. MTP. D'où êtes-vous originaire? De Montpellier. MTP, alias Montpellier. C'est ça, on va prendre quelqu'un qui a envoyé la bonne réponse dans un instant et qui repartira donc avec cette tablette Samsung Galaxy Tab. On peut attaquer, messieurs? Ouais. Est-ce que le studio est prêt aussi? Il y a ça dépend s'ils sont chauds ou pas. Vous êtes chauds, la famille, ou pas? Je crois qu'ils sont chauds. Ok. Alors, attaquer tout de suite en live. Check celle-là, mon négro. Check celle-là, mon négro. Check celle-là, mon négro. Check celle-là. Ah, j'arrive en mode lourd, mon négro comme d'hab. Billet sur la table pour lancer grosse fab. Yeah. Rien d'autre n'est concevable. Envie de mercher de textes écrits sur nos portables. Hey, négro, je m'en tape des courses aux gros chiffres et des vues qu'on fait. Hey. Je cherche pas à savoir si on est bon vu qu'on l'est. Question rhétorique, négro, où est ton rythme? Le 15 juin, il va pleuvoir des météorites. Hey. Quatre chaudes affilées, hôtels et villes différentes. Quatre soirs. Le jack, le citron vers l'adrénaline qui se mélange. Chaque fin de semaine j'ai des yeux de noix. Yeux de noix. T'accouches d'un bon texte tous les 9 mois. T'as ressenti la pression mon négro, j'arrive chaud. On travaille la technique depuis l'époque du bisso la bisso. Tous nos beatmakers sont lourds, pétasus ma guitare hero. J'en vois que des rimes du futur, mes textes sont écrits par hero. Et j'y peux rien si tu t'es senti visé. Je veux vendre des albums sans passer au journal télévisé. Indépendant depuis le début négro. On est toujours en progression comme le prix du bédo. Sachez que notre public ne sera jamais méprisé. Grande ou petite salle c'est la même, ils finissent toujours épuisés. Tout se passe comme prévu négro, pourtant rien n'est scénarisé. Mais pourquoi c'était match? Car depuis le début on vise l'arrivée. Check celle-là mon négro. Check celle-là mon négro. Check celle-là yeah. Mon négro. Check celle-là mon négro. Parfois j'écris des textes sensés, parfois je m'en balèque. Je rappe sur scène ou dans mes clips, mais je rappe surtout dans ma tête. Tu te remontes le froc, je me remonte la braguette. Tes mains de flow, je te laisse le baril au prix de la canette. Ah, j'en veux plus, toujours plus. Mon flow sans le sud, sans dessus. Dessous mes rimes, choque ton cerveau, se penche dessus. Pas la même vision quand je te parle de femme, tu parles de pute boy. À force de t'auto-sus, c'est ton flow sans le huc. Ah, quand je rappe ma vie, tu rappes dans des décors. Ah, tu me fais de la pub quand tu rages très très fort. Ah, je fais des concerts, toi tu fais des efforts. J'suis là pour tout buter, cosy bang bang. Je te laisse compter les corps, mon rap raconte des tas de blagues. Punchline à l'étalage, j'ai pas de mal. Mec, je faisais mes dièses avant tes hashtags. Tu fais le gars du moment, mais pour rapper y'a pas d'âge. Je prépare un carton, mais ne crois pas que je déménage. Rendez-vous dans 10 ans, MTP sera Byzance. J'ai tellement de choses à dire que je pourrais même bigrave mes silences. Je me raconte des contes, une face à tes paroles méprisantes. J'suis un bunker qui s'invente une vie trépidante. J'ai lu tes commentaires. Je rigole devant tes menaces. Notre langue est belle, toi tu l'as rendue dégueulasse. Petit rebelle, mytho qu'est-ce que tu vas me dire au tel? Tu te dis schizophrène, mais tu n'as aucune des deux faces. Check celle-là, mon négro. Check celle-là, mon négro. Check celle-là, mon négro. Check celle-là, mon négro. Je n'ai que deux sentiments. La faim et la satiété, c'est deux en 10 ans. Les gourmands ne peuvent qu'acquiescer, je mets le feu au pilon. Une fois au sommet, sans vent me caresser par milliards, je veux des millions. Je veux plus savoir comment m'arrêter, mais j'avoue, je m'ai pêché. La weed, la trim, le rap et ses collarines techniques. La femme et ses formes, et t'as trop pas nous être méché. Ma team s'agite, veut casser des portes, la cible est libre, cette place elle est nôtre. J'suis pas le prochain Booba, j'suis pas le prochain Tupac. J'suis dans un nouveau game, nouveau rap image. Pendant que d'autres fourvoient, on se fait notre propre boulevard. Fuck les majeurs de nouveaux rappeurs inimaginables. Oublie, c'est pas les sentiers battus que j'pratique. Factice n'est pas une pâle copie. Hoji, celui qui tombe est jamais inaptique. Tactique et mon algorithme. Homie, j'marche en équipe, fier la tête haute. Avec mes frères et mes sauces. Oma, oui ça tape, ça fait de vraies choses. En attendant que l'album m'explose. Hola, c'est pas de la chance, c'est du talent. J'passe ma chambre à vos salons de thé. Yeah. Je vis, je prends de l'expérience. J'prends du galon, 3 octobre à la cigale. On annoncera complet. Fais du bruit. J'ai cette match sur Skyrock. M'amène à deux H. C'est le A et puis le 2. Écoute, j'rappe comme un enfoiré des grandes tartes, ils ventardent. Ça vient des blocs, on veut finir dans un grand palais. Les traits, j'les vois gambader sans salaire, ils sont enragés. Nous, c'est 100 fois mieux, même en galère, le produit est emballé. J'ai besoin de ma dope, j'ai besoin de ma dope. Elles veulent la molly molly, nous, c'est money money. On veut pas ta coke, self-made. Renoir belle fesse sur le teco, j'excelle, expert sur le terre-terre et au télo. J'trip sur mon ego comme un gauche. Prends la pose sur les photos, file au studio avec popo dans la poche. Ma femme veut du roro dans la broche. Fini les fake polo Lacoste, les vieilles touches. Désolé si t'as pris la moche. Désolé si t'as pris la mouche pour une phrase. Ah ouais. Ou si t'as pris la pouffe pour une femme. Enfin bref, les rappeurs ne partagent pas mes shit. Ils en viennent à être sceptiques quand j'ai partagé leurs clips. C'est le monde à l'envers. Tu soutiens les frères. Mais eux ils pensent que tu veux juste pomper leur fame. Arrêtez de vous regarder la bite à la loupe. J'aime bien ton son. Dis juste merci et tu la boucles. Non, vive le partage. Fais toujours croquer les vrais. Avec ou sans buzz. Et quand je kick, je fais tomber des têtes. Ouais, je suis inarrêtable et bien productif que ces blaireaux. T'inquiète pour le cash, on a des combines des numéros. Ouais, les chiens de la casse, on a vécu la street, le bendo. Des bantous, des renois, des rebeux, des turcs sous pento. C'est le A et puis le 2, c'est le A et puis le 2, C'est le A et puis le 2, C'est le A et puis le 2, Me parasite le crâne, mais tranquille, je canalise, me calme. Je sais que mon rap est réel, bitch, analyse le taf. C'est pas parce que ton beat est vieillot que t'es vrai. Bolos, arrête les morales, les bourrages de grand-père morose. Quand je rappe, c'est la guerre, pogo, viens foutre la merde, poto. T'es plus hip-hop que moi avec ta bière, ta veste de clodo. Mais arrête, bande à mes gars, va, on veut ce qu'il est patate. Refourguer l'Afghan à des bitches une fois que la nuit s'attache. On a kické la nuit le jour, on s'applique à la tâche. Clic de rapace, je lis l'avenir sur les lignes de la basse. On s'est brouillant avec nos remparts pour le rap. On a perdu des femmes pour le rap. Et tu crois que le rap nous le rendra? Je crois pas, je m'en bats les boules, je suis grand par le coup. Et les couplets que je fous droit, j'écoute Young Thug, Tupac, en sueur, je suis Tupac, pas danseur, je ne joue pas moitié spanish. Tout a de la grandeur sur mes bouts de page. La rime, le savoir faire, l'attitude, on va pas la perdre. Menin nord, menin centre, on lâche pas l'affaire, nég- J'passe en casse et qui pourrait m'arrêter dans ma folie. Même si je touche le fond tout en voulant fouler la colline. Puisque le temps part en méfus comme un garrot conique. Je veux être ivre de ma ive quitte à finir alcoolique. Un cran comme un brolique, ni comico ni comi. Si je rentre le ventre je fais un beat comme un comico chromie. Même de profil, je veux pas savoir à qui ça profite. Je faut que ton grossiste et tes fils de kiss des accros trop vite. Limite autiste, crois pas qu'on grandit. Je suis visiblement trop piste pour ce jeu mais pas assez pour faire les gros titres. Planté dans mon corner, j'attends plus le moment propice, rien à battre des groupes et je suis trop groovy pour leur lobby. Oups, je suis trop taudi, je taffe à l'écart dans ma coquille. Conseil d'amis, méfie-toi de Loki, dors comme d'un low kick. Bro, je profine, faux fil comme Maes Scofield. Chose promise, donne-moi le mic et je l'attaque d'office. Phase nocive, si je cumule toutes les tartes possibles. Je taffe le beat comme un tir d'art et t'as une femme de ville. Je m'en bats les couilles, je pars en impro à Skyrock. J'arrive de faire bisous et tous mes potos sont hip-hop. Y'a la PU, DMO mon frérot. On arrive, mec, je suis Superman, appelle-moi le MC. Super héros, non, y'a les gars de MTP. Une dédicace parce qu'ici on est bang bang cozy. Y'a deux frères à ma gauche, pas de problème, moi je peux rapper les mains en l'air et les mains dans les poches. Lâche, on arrive et on s'arrache. T'as vu le mec est trop dard, il arrive et son nom commence par un H. Moi c'est Hassan, le père Pizayon. Pas de problème, tu sais, j'ai pas de trinière, mais appelle-moi le Lion, tu sais. Y'a, yeah, j'suis Al, est-ce qu'y'en a un après WAM? Yo, vas-y les gros, balance ça, yo. Yo yo yo, just fucking man. Yo yo yo, et ça fait, tout le monde ça fait. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. La tête haute, je les vois tous baisser les têtes. Ils me doivent le respect, négro, faut payer les têtes. Ils apprécient ma cuisine, ils peuvent qu'apprécier le chef. J'ai su encaisser l'échec, donc je peux encaisser l'échec. J'écris mon histoire, t'es captivé depuis le sommaire. Nique sa mère, moi je veux voyager tout le summer. Parfois je suis pris de summer, comme respect se meurt. Mais quand on me dit cool, sont morts, je réponds cool, si merde. Et je suis dans cette merde, je suis en pleine immersion. Ils sont dans la trappe pour les piéger, je fais diversion. Ils racontent des stories, pour être crédible, c'est débile. Des conneries pour lesquelles y'a peut-être divers. Et je me pose des questions sur les questions en question. J'attends les réponses et je remets les réponses en question. Et je prends de la marche, je fais d'y penser à chaque station. Je suis dans le coin, dans les sièges à quatre, dans le sens de la marche. Avec ma voix intérieure, on établit des stratégies pour descendre tous ceux qui voudraient nous voir inférieurs. Car plus personne n'a l'esprit judicieux, plus personne n'est vierge. Même pas les casiers judiciaires. Et je souris d'abord quand l'orgueil n'est plus là. Quand ça sent le trait, je guette par l'œil de Judas avant d'ouvrir la porte. Et rien que du soupir à force, les porcs, on se nourrit avec. On se tape des fous rires avec mes potes. On se dit que les autres sont pourris à mort. Joue poker, check mon jeu, j'ai les cartes. Mes couplets c'est du racket négro. Je sais tes matchs. Bam, bitch. Just fucking man. Yeah. Fais du bruit pour Tortoise et Yvick, my man. Ah non. Why MTP Cozy bang bang. Call me Billy Bot. Why? Call me Billy Bat, go another big and go. So the man call you when I'm grab a rifle. I'm an Esky boy like Wiley West. Keep going for your white feet, fresher than snow. Colder than ice, when another big and go. Man, I slice you twice, not nice, you know. That you pay the price. My vice is to roll the dice, end up in the casino. I'm always ready for action. Then what they ain't ready for the sanction. Money coming out my motivation. I'm high cause I blaze, wait for the elevation. It's the rise of the movement, and you can't stop it. MTP, we represent every part of man's heart like cement. And you can't break it, fully ground like giant, but wet. So when I spit, when I eat, when I kick up, bit, I'm like a box. I'm a Greek, in my click. steak, I don't eat no pizza. Rimmers and glove, I went rap, hey, I used to wear till I fuck swagger. I don't make me sick to buy some clothes. I don't make me sick to fuck some hoes. Man, I do because I love it, I can't stop it. Yeah, we are the base heroes, yeah. That's not nice, not enough sauce, too much rice. I think you watched that twice. This is my game, but I need to water the dice. I'm cold as ice, I'm a grizzly ready to slice. I don't need your advice, I need an MC to sacrifice. This inside, I'm unstoppable. Crazy when I ride on the next level. Right me is my sappiest tricycle. I'm a French guy, French rebel, French rebel. The man MC me as a French devil. The guy MC me as a sex symbol. Too predictable, this ain't normal for the big label. They don't wanna sign me, cause I'm too crazy. I still big for the bidding for the Gucci. I rap MGP, rap BH, I smoke GNT, the D-I-D-I-E, G-I-S-E-E, the last day of my L-I-F-E. Missing my first L-O-V-E, stretch on the D-G-R-I-M-E. Rah! On the beat, I feel the beat can't miss up. I play football, not soccer. In Manchester, they call me Karim Benzema. Ooh, ha, Cantona. I pick up the mic and I make a drama. Run it all night, call me Dracula. It's perfect then, cause he bang bang brother. Cause he bang bang brother. Cause he bang bang brother. Cause he bang bang brother. Perfect then, cause he bang bang brother. Cause he bang bang brother. Cause he bang bang brother. Cause he bang bang brother. Perfect then, cause he bang bang brother. Oh non, pas de la trappe. On est original, putain, mec. Torto Zivic, mon album mini 20, il est sorti. Geronimo Beats, allez le chercher. Hey. Je suis venu pour casser le délire, négro, mettre fin à tout tes calculs. Rien à leur envie, plus la merde, leur mère les a accouchés par le cul. Je raconte pas de fausses stories, vos débats sont folkloriques. Tant que ça me fait gonnerie, j'arrêterai pas de faire le gorille. Mister V, tu fais la trappe, t'es chiant, pourquoi tu fais comme gradure? T'as pompé le flow de Jarod, pourquoi tu fais le mec de la hure? Elle met du rouge à lèvres, mais avec ses dents jaunes, ça fait le drapeau de l'Espagne. T'as un boulot de rêve, je décrocherai la lune dans mon Renault Espace. Ouais, ouais, je suis grave immature, je devrais songer à stopper les blagues sur la bite. Yeah. Mais avouez que c'est grave marrant, puis ça change de vos vannes sur l'Afrique. Dix bar au Caraïbe, y'a que les îles et les aides qui sont vierges à l'inverse de ça. Sors pas la tête de l'eau tant que tu l'orage plane. L'orage plane. Je suis dans la cuisine, pas besoin d'en faire un plat. Entouré de cette image, c'est l'équipage de web, on l'a kické. On a fait tomber des buzz, signé des contrats. Maman, faut pas t'inquiéter. Maman, faut pas t'inquiéter. Non. Maman, faut pas t'inquiéter. Hey. Maman, faut pas t'inquiéter. Quoi? Maman, faut pas t'inquiéter. Faut pas t'inquiéter, maman, non. Voilà, maman. Torteuse. Hey. Maman, faut pas t'inquiéter. Yeah. Hey. Mini 20 dans les bacs, ma mère. Chill. 15. Dealer, yo. Ken, dès le départ. Éclater leur maquette en un 16 man, y'a même pas une pige, ils faisaient genre qu'ils aimaient pas. Aujourd'hui, me la lèche comme un tech paf, mais je déteste. Le talent s'achète pas, bitches. Aucun de ces rigolos ne m'arrêtera. Tiens, aussi que celle m'en va dans l'espace quand j'écoute leur pote me fait chier comme un spectre. Fais péter du gros son dans le club, ou fais péter le caisson dans la maison, y'a des meufs. Bonne, aujourd'hui, la parole ne compte pas, il faut des preuves. Trop de flow, je les baisse depuis des mois, il est temps que ça sort. Bitches, je les aime pas, c'est physique, aucun feeling, c'est pas fini. Tellement mal fini, qui m'ont filé là, c'est fini. Je crois qu'ils militent pour la milice, j'ai un ticket pour l'Amérique, c'est really bitch. Je ride avec ma clique, une partie de moi perdue. Dans ta bitch. Écris toutes les nuits pour tous ces rappeurs, ça brave de ma piste. J'paye pas de verre, désolé chérie. Déjà tout claqué dans mes Givenchy. Sur ma vie qu'on les ken, j'fais ça dans les règles comme avec ta bitch. J'arrive tout tranquille, j'arrive avec des pétards qui m'écoutent en ville. Ils font tous dans le style quand j'ai tout dans le stylo. Promets que c'est la dernière, mais j'suis tout le temps pilo. Ouais, j'suis tout le temps pire. Ils oublient que j'suis le meilleur. Amnésie, quel game, laissez passer le rookie. Passer le rookie. Ma vie qu'on a les meilleurs instrumentales. Recherche ici à Brooklyn. Sous Grégouze avec ma team. Sous terrain comme un parking, sa mère. J't'ai dit, j'veux un qui est pour l'Amérique, donc je t'emmène. Que si t'as le boulot à Albury Beach, réserve la plus belle suite. Je ramènerai mes négis, pas que pour un dîner mondain. Non, mais l'ouvre les cartes et le bénéfice. Maman, faut pas t'inquiéter. Maman, faut pas t'inquiéter. Maman, faut pas t'inquiéter. Maman, faut pas t'inquiéter. Maman, faut pas t'inquiéter. Allez chercher 1020, il est sorti. Yeah, yo. Tortozonline.com. J'ai un peu foiré mon freestyle, bonsoir. Ouais. Bon. Uncle N. BLMC, Rachel Peur, tout le monde. Ça vient d'MGP, ma man, et Nîmes aussi. MGP, Nîmes, Enzo, tout le monde. Hein? Yeah. J'suis venu pour les plier. Pas de baseball canon scié. Préparement un bon pour les griller. Pour vous faudra bientôt prier. Black boîte noire, je vais briller. Pour tout au fond dans le filet. Sache que les derniers seront le premier. Je suis même pas dans leur game, mais je suis déjà qualifié. Nique sa mère, Wiz Khalifa. Rachet club relatif. Joue à ma bride, joue à FIFA. Pétasse et mal arbitre, c'est toi qui siffle. La vie, c'est toi, mais ticket de l'auto. Et tiens le manque qui conduit l'auto. Qui sur écoute, il prend la photo. Grande gueule, petit bras, t'as le style croco. Cozy, cozy, bang, bang. Cozy, cozy, bang, bang. Cozy, cozy, bang, bang. Cozy, cozy, j'entends rien. Cozy, cozy, bang, bang. Cozy, cozy, bang, bang. Cozy, cozy, bang, bang. Cozy, cozy, bang, bang. Fumer le micro, bédave les feuilles du Dico. Rap métaphorique type G-Cole. Quand trop s'enrichissent de rimes pauvres, vous faites chaleur, psychose. Toujours mytho, j'emmerde toutes ces bimbos qui tapent des pipo pipo. Genre tu boostillonnes des mines d'or. J'rappe solo, garde tes micos. Il me suffit d'un spliff et d'un stylo pour mettre d'accord des zikos. J'évrite mon shit, kick pose sur des beats qui t'hypnose. Mille pros pour schizo, idiot qui picole. Et voilà vie. Si rose, michto, pas trop de boulettes sur mon tricot. La zeb sans le citron danse comme la flamme de mon zippo. Je fais le clown dans l'œil du cyclone. Tes vieux me croient toxico, bien que j'innove les badass ignobles de leur bloc si glauque. Steel Hove ou Steve Jobs, je rigole et fais du fric propre, bricole. Quand les types dorment, bicrave et les yonkies gobent. Les tip top, les bitch hot, frivole sur mon hip hop. Une soufflette et les yeux des cyborgs. Lignote, XR, lâche ton iPhone et smoke mon. Smoke mon. Smoke mon. Négro, smoke mon. Fais du bruit. Corsé. Oh, oh. Rince, on est là, allô. Kenny One. C'est des matchs. Cozy. Bang, yeah. Bang. Ah, ah. Yeah, yeah, yeah. Range toutes tes gimmicks. Kenny One, jamais de la vie ne se limite. Il parle, mais jamais t'as fait ça. Que quand je passe, c'est sale. Jamais je veux que tu me compares. Là, c'est fini, faut que tu l'acceptes. Je tue l'assiette, laisse rien, c'est plus la peine. Je fais mon truc d'athlète en pub, un sweat sur la scène. Bien que je pue la zèbre. Demande à Joe, demande à Skiz ou Tom Saut. Tant d'assaut qui traumatise, te donne chaud. Prends pas ce flow. Tes tentatives sont en dessous de grandes impros que je lâchais Yves souvent. Mais quand la cause se remplit, que l'homme cause, tu ressens la chose. Analyse ce morceau et prends ta pause. Les barres arrivent, ils dorment trop. Y'a plus de look chez Jon Snow. Je donnerai pas de mon temps à ceux qui perdent le leur. C'est toujours la même. Mon transac, mais c'est là que je demeure. Demande à mes gars, ouais, se barrer de là. Et savoir si la BR est plus vert taille, ouais, c'est ça qu'ils le veulent. S'il faut que je mette le paquet, laisse-moi claquer le blunt. Et quand la musique s'est amenée, mon a fait de peur. J'aime voir le bout du tunnel et de rater le fun. L'unité, le love, y'en a pas, j'ai taffé seul. Et crois-moi, deux, trois phrases et ça fonctionne. Ce rap sale, c'est un bon sport. Nique tes rappeurs américains, en ce moment, je suis dans un monde London. Je vis l'attaque des clones dans ce rap game. Je pratique un raga, des halls, ils peuvent pas le faire. Ils disent qu'ils rap sale, c'est faux. Je les malmène, font semblant de pas avoir mes causes. Pendant que je cherche le fond et la forme, sans tomber du côté sombre de la force. Ils parlent du plomb et de la crosse, mais crois-moi, il ne faut que du son et de la com. On va leur faire savoir qui fait vraiment le taf ici. Crois-moi, pour mes renoms, non, c'est pas difficile. Ça va, on sait comment envoyer des missiles. La base, c'est toujours la même équipe. T'as peut-être déjà croisé le BCG dans ta ville en train de freestyler sur des rythmes brigues ou à café. Là, sans savoir qu'on avait le droit, jamais la machine s'arrête à 2000. C'est pas le bon terme. Fais du bruit pour Kenyan. C'était match big up, on est là, non. Du bruit pour Kenyan. My man. 1-1-1. Giorgio, motherfucker. Warino, motherfucker. Y'a ceux qui bronzent et ceux qui crament, y'a ceux qui fument et ceux qui fanent. Y'a ceux qui luttent et ceux qui parlent chez moi. Imagine la gueule des mômes qu'on vieillit. Les pères reviennent du pays, les traits marqués. C'est plus des visages, non c'est des recueils de poésie. La peur envahit le désir. On va jamais se rencontrer, je m'en fous du monde. Je vais respirer sans emmerde, sans accord parental. Comme mes petits frères la nuit, genre je rentre en guerre contre le marchand de sable. Je claque du bif dans les commerces de proximité. Hier j'étais en concert, je repense à mon cœur que j'ai senti vibrer. J'ai fait la part des choses, je veux que tout soit plus lisse. Ou parcourir la mer comme Ulysse avec mes sauces. Je vois que tous mes rêves s'éteignent et je recherche les causes. Dans mon miroir, je suis trop pudique, c'est pas l'affaire des autres. Ça m'empêche pas devant ma vie en détail. Pour soigner des douleurs enfermées dans un cœur bestial. Tu imagine pas tous mes projets là-haut que j'ai laissé pour mort et que je voudrais sortir du chaos. Quand dans ma tête tu fais tout noir, je pèse le pour et le compte négro. Je suis mon propre ténor du barreau. Entre le quartier et la matrice, il n'y a qu'un pas. Ça vend du chic et ça blague pas. Les mères pleurent, les fils enchaînent, les allers-retours entre leur chambre et la garde. Les doutes surgissent, c'est la cata. Tu comptais tenir la barque, mais tu te noies sous la paperasse. Les yeux pleins de sang, on recherche tous notre chemin de croix. Combien de croix plus en l'amour après l'avoir trouvé plein de fois. Le cœur en sang, tu me rampante, on n'est pas tous Napoléon. Esprit conquérant qui veut se faire en cendre. On prend les coups et on dit rien. Tant pis si le cerveau saigne, on se cultive par les voyages. C'est la soif de kérosène. On mène nos vies, on prend des choix. Nix et les miens sont pourras. De toute façon, tu connais l'expression. Ouais, advienne que pourra. Ah. Pas de bruit pour Giorgio. Oh, ma man. Bang bang cozy. Yeah. SNS. Fais du bruit pour. Hein? Hey, fais du bruit pour cette démarche. Okay. Ouais. Yeah. Hey, tu peux me pull up ça, DJ? Pull up moi ça, Akeda. C'est pour tous les bédaveurs de France. Ouais. Y en a pas loin, je crois. Le message est avec nos sons, on fait les dealers. Chiche ce qu'on connaît, les bails. Moi, je fais des rimes cash. Dealer. Tu peux garder tes punchlines. Je parle plus, j'ai plus le time. On fait le taf et on en tire. Je finis mon spliff, je renais de mes cendres. Et puis, je fonde un empire. Et puis, tu sais que. Roule-le, allume-le. Loin des modèles, mais pourtant on est à la mode. Depuis chichi, ce qu'on tous les rappeurs sont à la drogue. On vit comme des morts vivants, donc on enregistre à la mort. Et depuis que ce rabbi fait la greffe, c'est Gisela la preuve. Sur la tête de ma tête de bœuf. Lunettes de sommeil pour cacher les yeux. En joint de bœuf et joint de teuteux. Si je les fume, je m'envole dans les cieux. J'ai pas besoin d'aller au Parc des Princes pour craquer un fumigène. Je fume après, je déjeune. J'ai la rime cancérigène. Chichi, ce qu'on 2.0. C'est ça que veulent les jeunes, baiser l'insu sans hygiène. Donc on fait les bails, on essaye d'avoir tout et dans toutes les tailles. Mais y'a une faille, c'est que je fly, toujours en retard, fuck les deadlines. J'fais pas le buzz, je le fume, je le baise, je refume. J'fais ride toute la night, va deny, prépare le sprite. Dîné, prométhazine, raconline sur un nuage magique. La fine équipe, la vodka dans le jean. Le studio c'est le tel où j'vais baiser la rythmique. Ah, on m'a dit que maintenant les rappeurs signés pour 5000 E. Ça on peut le faire nous-mêmes, donc faut qu'on parle. 20 000 E minimum par test sans faire les vaniteux. Faut pas confondre de l'Angelus avec du vamiteux. On est que vous êtes sous la merde, on est à 20 milieux. Dans les airs, lèche comme un 20 E de bœuf. T'as pas compris si t'es con, chiche ce conk. On est deux, donc au mieux j'éclate les wages. Et au pire, je suis 22. Roule-le, allume-le. Y'a déjà la queue-le-le. Un renoy et un rebeu. Un peu de shit, un peu de bœuf. Isolator, bella pas trop où tu clames. 40 euros le gramme, j'ai l'impression de rouler des jams. Roule-le, allume-le. Y'a déjà la queue-le-le. Un renoy et un rebeu. Un peu de shit, un peu de bœuf. Isolator, bella pas trop où tu clames. 40 euros le gramme, j'ai l'impression de rouler des jams. Bédave à la sauvette, donc ne vole que dans les airs. Pendant que tu prends l'air en forêt, nous on se promène dans les serres. Tellement elle met high pour ma Marie-Jeanne et Céleste. Vu le revers de la médaille, c'est jamais nous, mais elle qu'on célèbre. Dès que je l'ai dans les veines, puis je jure ma go comme Monica Céleste. Sur ma bite, et j'ai cap comme toutes les autres, elle est sur la sellette. Mais je crois que j'ai trouvé la bonne pour attraper tous mes hassanettes. Elle me fait cracher tous mes démons à chaque fois que je la pénètre. J'fume du shit que j'ai pas payé, capuché au volant. J'roule en Clio, pas de poule, pas de braco, j'roule sans collant. J'préfère l'ice, j'aime les pogos, je préfère refaire un solant. Un petit polo, j'roule un solo, c'est des cache le rebeu volant. Touche du poids vu que j'fais des chèques, j'veux gagner pas les chèques. Ils aiment l'ivresse, mais pas le goût de la colle et encore moins le sec. On nous invite jamais, j'crois qu'on fait peur à la concurrence. C'est l'heure de gloire ou la minute de silence. Du bruit pour Rimka, cacher là et la famille. Un gros shout out à tous les gens qui sont là. C'était match, cozy bang bang, on va terminer ça. Le truc est simple. Et ça fait. Et ça fait bang bang. Tu voulais du cosy, on fait du bang bang. Tu voulais du cosy, on fait du bang bang. Tu voulais du cosy, on fait du bang bang. Cosy bang bang. Yeah, dans le rap y'a plein de portes, ça tombe bien, j'ai plein de clés. Cosy bang bang, j'arrive en tram, je repars en Bentley. Les mauvais rappeurs, c'est comme les contrôleurs Bentley. Pamela pour les gros seins, Akeda pour les gros synthés. Et ça fait mal à peine, je rentre le wad. À ce qu'on dit, je conduis comme un zombie quand je rentre de boîte. Le temps c'est de l'argent, même quand je dors, je rêve d'or. Chien sauvage, je suis dans GTA, j'ai le fun de Trevor. Coup de fil, ça part en mission, j'ai de l'ambition depuis mes 12 piges. C'est la cour des miracles, prends tous mes virages en roue libre. Qui vivra verra, négro verra que j'ai des coups d'avance. Négro, j'ai de quoi faire bouger toute la France. Mental de Sudis 1, j'sors la caille Pélignard, remballe ton cubit 20. Yeah, et je compte bien finir tout devant. Ça pète tous les jours comme si c'était le jour de l'an. Si tu veux soutenir, je te le dis poteau, ben ouais, il faut que t'achètes. Si la zig est en sport, c'est décidé, j'aurai encore d'athlètes. On se mute en ND, autodidacte, on reste aux manettes. C'est que le début, dégage, t'en as marre de tes manos saletés. Rime de bar, j'mix de tease de weed, de string de femme à la remise des prix. J'ai vu les haters toujours gris de rage, on vise le mili. Fini les rimes, je tape YOLO. J'suis sur le cours central, tu joues solo. solo au tennis de table. Ça comme jab crochet direct à la Tyson. Ce freestyle fait la taille d'une feuba de ma daronne. Pas de bol, je construis une carrière, tu fais le mariole. C'est moi qui ai l'accent, poteau, toi le cerveau de la cagole. Insolent comme un sale gamin, gros au rap, je mange à ma faim. Tu rap vite, mais dis-moi, t'as cru que je parlais courant à ma mandarin. Couplet de malade, THC dans ma salade. Je rêve de générosité, mais c'est ton cœur que j'ai dans la main. Protors, bombé et les couilles pleines. Comme si elle était un booty call. Et moi, tout le Wu-Tang. Je veux pas rapper comme tout le monde, négro, du coup, j'innove. Dans ma cuisine, je veux du goût, je rajoute des coups d'irobe. M'amène, je veux vous rendre fou. En attendant que je fasse mon tour du globe. En attendant que le vent souffle. Je veux de l'or, ouais, jusqu'au bout du sob. J'arrive au sauveur sans savoir quel est le goût du vent. Dans tous, dans ma team, que des sauvages négro, que des dingues. Je veux des tubes, d'autres le chômage, on veut que des bangers. Que des bitches, que des zonards négro, que des dingues. Nous hors limite, dans leur quota, on fait que des bangers. M'amène, fini les vocalises, on a lancé la machine. Les projets, les concerts, mettre la banane comme Catherine. Je veux faire le disque d'or et plus, faire plus que j'aurais dû et devenir DJ pour jouer mes bang bang. J'ai voulu du cosy, on fait du bang bang. J'ai voulu du cosy, on fait du bang bang. Tu voulais du cosy, on fait du bang bang. Cosy bang bang, yeah. Bang bang. Tu voulais du cosy, on fait du bang bang. Tu voulais du cosy, on fait du bang bang. Tu voulais du cosy, on fait du bang bang. Cosy bang bang. Faites du bruit. Bravo, bravo à vous tous à l'instant en live dans l'émission 7 et match. On peut saluer un peu tous ceux qui sont passés aussi au micro. Merci à toute l'équipe. Merci à Giorgio, merci à Mister V, merci à 2H. J'ai jamais réussi à faire un freestyle. À chaque fois, je rate une phrase. J'ai fait deux freestyles, à chaque fois, il y a une phrase que je rate. Ouais, ça me casse. Voilà, c'est tout ce que tu veux. Voilà, c'est parce que tu voulais justifier, parce que tu voulais dire un moment, merde quoi, pour mon album qui arrive. Il n'y a pas de problème, c'est justement aussi le charme du freestyle, c'est que de temps en temps, ça dérape aussi. Ouais, on peut placer quelques petits projets. Il y a qui a sorti un album. Tortoise qui était là aussi au micro, ouais. Voilà, le minuit 20, depuis le 15 juin. Ouais, c'est ça, exactement. Minuit 20, mon album, il vient de sortir en même temps que vous. Et allez le choper sur tortoiseonline.com. Excellent. Et sinon, sur iTunes. C'est T-O-R-T-O-Z. Ah, hein. Exactement, c'est ça, ouais. C'est bien ça. Yamaman, Jossman, vas-y, dis-nous tout, François. Yo, Jossman, moi, mon EP Échec Positif, toujours là, sur iTunes, partout, depuis le 9 février. Ah, 9 février. France, salut. Très, très chaud. Yamaman à 2H aussi. Yes, les frères, big up à vous. Ça fait plaisir de vous voir sur Sky, les frères. De même, François. Yeah. Nouvel album en préparation janvier 2016. On va fourrer cette pute. Il a tout dit, voilà. Qui on a oublié aussi? Il y a Maman Enzo, il y a Joe Vectan aussi. Donc de Montpellier, Uncle Enzo, Montpellier. J'ai sorti un petit projet, un EP sur Hot Culture. Enzo. Allez voir ça. Uncle Enz, c'est mon blaze. Uncle Enz. Chef club, le blaze c'est out of control. Ça c'est les bails, ça. Voilà. Out of le control pour aller. Perfect and Crew, Montpellier, MTP représente. Manifold, on a ressuscité Michael Jackson. Attention. Excellent. Il y a qui d'autre là, Hassan? Il y a qui d'autre? Hassan, il y a Rim Kachenaï aussi, allez, on place. Hassan, il a pas dormi depuis deux jours. C'est le moment, t'es blessé. J'ai 48 heures de non-dodo dans les pattes, là, je suis totalement. Qu'est-ce qui s'est passé, Hassan? Ah, ben le ramadan, le taf, là, on est en préparation de l'album avec ma main Oliver qui s'est présenté. Et toi, tu viens de Perpignan, c'est ça? Je suis Perpignan, ouais. Quel joli t-shirt. T'as vu ça un peu? On présente à Perpignan. Quel joli t-shirt. Mais comme quoi, on n'est pas tous chauvins. Enfin, bref. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent qu'à la radio, c'est un joli t-shirt du PSG. Ouais, ouais. Mais Gab à côté depuis tout à l'heure qui me charrie, il faut le dire quand même, parce que lui, il est pas du tout PSG, j'ai l'impression. Non mais je suis pas du tout foot mais. Ouais, non. C'est magnifique, tu seras toujours le bienvenu, ça me rappelle. Merci beaucoup. Donc du coup, tout simplement pour dire que voilà, nous, l'album c'est pour octobre, normalement si tout se passe bien, si Dieu le veut. Et voilà. Voilà. Et bah bonne chance donc pour l'album au mois d'octobre. Si c'est okay, Giorgio, ça arrive aussi en octobre. Kachenai. Ouais, bah comme on disait tout à l'heure, ça arrive en octobre et je ferai la cigale le 22 janvier 2016. Donc déjà 22 janvier 2016. Les places, pas tout de suite, si on peut. Si on peut trouver des places maintenant, ouais. Bah, t'as vu? Parfois, acheter. Il faut aller très vite parce que la cigale est une petite salle quand même. Belle salle, mais une petite salle, donc ça va s'arracher assez rapidement. Okay. Il y a Starlion, ma man, qui prépare du champagne. Non, mais c'est ça, quand je t'ai vu arriver au micro, je me suis dit, mais d'habitude, t'arrives avec les bouteilles. Il a pas le temps, Starlion, il a pas le temps en fait. Il fait tout, ouais. C'est l'entertainment. Et je sais qu'il a au moins 35 champagne. Morceaux dans son ordi là, donc à un moment donné, il va falloir que ça sorte, frérot. Et bah, très bien. Ouais, on va je vais te donner une date là ce soir. Entre deux, trois bouteilles. On prend rendez-vous. Le 23 mars. Le 23 dans les bacs. 16, 17. Allez, 16, inch'Allah. Il y a ma man, il y a Chichan Skonk aussi, Rim Kachenai. Si, ça fait plaisir. De venir. Yes, donc nous, il y a l'album, il est prêt, il va arriver fin 2015. Yeah. Ça s'appelle Quelques Lades Suffisent. Ça arrive. Fidèle à vous-même, les gars. Ouais. Y a pas. Et ça va être du lourd. Le et titre, voilà, ça le fait titre. Plaisir, encore big up à cet match. Ouais, ma man. Et cours, aller prendre l'album, Cosy Bang Bang. Yeah. Merci à vous, je crois qu'on a fait le tour, on a oublié personne. Ouais, si oui, on a oublié quelqu'un. Spécial dédicace à mon oncle qui est là-bas, Hostie Tabarnak, qui nous écoute de Montréal. Hein. Ah, Tabarnak, les bons, le salut. Une grosse dédicace. En tout cas, à ceux qui nous écoutent dans le monde entier. Et juste avant de se quitter et de retrouver D-Fool dans quelques minutes, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre tes 4 entrées pour le parc Astérix. Salut Andrew de Gisors, comment ça va? Bah écoute, ça va tranquille et toi? Bah super Planet Rap avec 7 et Match et leurs invités ce soir en live dans l'émission. Ouais, j'écoutais là. Andrew, toi tu es prêt à nous faire un de ces stops comme jamais? Bah ouais. Et bon, on y va. Donne tout. Vas-y, vas-y. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Pas mal Andrew, pas mal, pas mal, pas mal. Tu vas repartir avec... Eh ben non, pas une ni deux, mais quatre places pour aller voir Astérix, Obélix, Falbala et toute la clique. C'est pour toi. Et tout le gang, quatre places pour le gang du parc Astérix. C'est pour toi, mon pote. Falbala, bah, je peux passer une petite dédicace en bas. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Je dédicace ça à ma petite famille qui m'écoute là, à la maison. Là, ils ont branché Skyrock vite fait, là. Yeah, ma main lourd. Donc, voilà, quoi. Et bon, salut tout le monde, toute la petite famille là-bas qui écoute. Merci à toi, Andrew. Mais de rien. Ciao, ciao, passe une bonne soirée. Merci, c'était Match. Merci à tous les amis qui étaient là pour le live, pour le gros live qu'on pourra retrouver d'ici quelques minutes sur le skyrock.fm, sur le planetrap.skyrock.com également. Pour ce week-end, juste une petite annonce. Demain, ça va être la soirée cosy. Mm-hmm. Et vendredi, la soirée bang bang. Ah. Voilà. Ah. Voilà. Donc demain ça va être... donc ça va être cosy, cosy. Donc demain c'est champagne. Sympa, voilà. Demain champagne. Et après demain bang, bang. Champagne. Et peut-être Jacques Daniel, peut-être. Bang bang. Si Jacques, si tonton Jacques vient. Si tonton Jacques vient. Merci à vous en tout cas pour cette soirée. Merci à vous tous. Merci tout le monde les gars. Il y aura Big Flo et Oli demain avec nous. Ah les petits frangins, très bien. Ça fait plaisir de les avoir de nouveau dans l'émission. Et on va retrouver D-Fool qui doit être par téléphone puisqu'il me semble que tout est bloqué. Oui, c'est bloqué. Oui. Ça va D-Fool? Est-ce que je peux? Ça va bien, Fred? Bonjour, c'était Match. Salut, what's up? Ça va et toi? Voilà, je sais pas si je suis cosy ou si je suis bang bang là, mais bon, on arrive. De toute façon, là. Vous êtes cosy là. Tu es peut-être aussi bloqué, bang bang. Vous avez des chaussettes à donner, vous ou pas? Ils ont des chaussettes à donner ou? Ah bah. Des chaussettes non, à donner, ouais, on va demander à l'équipe, mais je garantis pas l'état des trucs. Hein. Ouais, chaussettes, paire de chaussures, on récolte tout à la radio aux alentours de 19h vendredi. C'est vendredi 19h, j'ai entendu. C'est ouais, pour les migrants qui sont encore au campement de Sarlat. C'est bien de faire ça. Ouais, c'est cool, ouais, c'est cool de le faire. Et c'est très fort que c'était Match en plus s'implique vachement là-dedans parce que je crois qu'il y a un visuel qui arrive et tout. Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Y a mental de sudiste. Bravo, c'était match. Bravo à vous. Merci. Et donc c'est vendredi 19h à la radio. Et bon, pour ceux qui sont loin, comment ils font? Ils peuvent toujours envoyer ici à la radio. Hein. Bien sûr, on ira au fur et à mesure les déposer dès qu'on les reçoit. L'adresse, c'est 37 bis rue Greneta 75 002 Paris. Voilà, faites gaffe parce que Romano ne tombe pas sur le courrier. Ah ouais, avant putain, vous. Quand même faire attention. J'entends tout. Il est parti fouiller. J'entends tout, je suis arrivé. Non, vous mettez bien en gros Planète Rap dessus. Vous mettez surtout pas Romano, sinon on est tué. Ouais, mais j'ai pas trop compris. Il faut envoyer des trucs pour moi, non, c'est ça. Non. Ouais, de l'argent directement. Ouais, c'est ça sur ton compte. Voilà, bah, je vais vous donner mon RIB d'ailleurs. On fera plus simple. On peut faire un cozy bang bang avec eux ou pas? Ah bah, est-ce que tu es prêt à faire un cozy bang bang dans la voiture? Alors, on fait le cozy bang bang dans la voiture. Vous êtes prêts? Vas-y, lance-le, on suit. Ah, attention, à vous de reconnaître qui est dans la voiture avec moi. Vas-y. Cozy! Bang bang! C'est deux. C'est cozy, cozy, après cozy, on fait ah oui, c'est cozy, cozy, bang bang. Alors, cozy, cozy! Bang bang! Ah, j'ai reconnu Marie. Bang bang! Bang bang! Bang bang! Oui, Marie et Karim. Et Karim aussi qui est dans le coin. Et voilà. Bon, et à taxi devant nous, que nous saluons d'ailleurs. Bon courage à les taxis. Demain, il y a grève des taxis. Ah, alors, ah bah, ça va être sympa aussi. Ça va être sympa, ouais. Allez, dis le morning demain matin, ça va vous détendre. D'ailleurs, fais-lui coucou, tu dis vive Hubert. Oui, c'est ça, ouais. Ça va, tout. Bonjour, mon pote Hubert. Ouh là là. Donc demain, ça va boucher un peu partout. Soyez à l'écoute du morning, on dira tout, hein, des 6h du matin. Bon, bah, en tout cas, content de vous retrouver. Bon, j'ai entendu Samy, Romano. Ouais, il y a Momo aussi qui est dans le coin. Il y a Momo aussi. Bon, moi, je ramène une partie de l'équipe dans mon minibus. Hein. Voilà, et Cédric. Où est Cédric? Marie, Karim et Cédric qui m'a dit que ça roulait. Ah, bah, ça roule, la preuve. Notez une fois de plus qu'il est en retard. Il est là, je l'entends en toute discrétion. Je suis dans le couloir. petit à petit, c'est bien. Mais c'est quoi cette excuse? J'étais dans le couloir, mais tu trouves plus le studio ou quoi? Bah non, j'étais juste à côté. Sérieux, tous les soirs. Oh là, j'étais dans le couloir. Ah, pour une fois que t'es à l'heure, t'es bien de te la ramener. Ah bah hier, j'étais déjà bien avant. Bon bah nous, on arrive dans un instant. Ouais, on va vous laisser là parce que je crois que. De toute façon, ils sont chauds, ils sont dans leur bail. On va vous laisser. Ça a été signalé à la direction. Quelle bande de suceuses dans cette équipe. Vous avez le temps de nous appeler, allez-y, 01 53 40 30 20. Si vous avez un coup de gueule à pousser, moi j'ai un coup de gueule à pousser d'ailleurs ce soir. Ah. Si vous avez un coup de gueule à pousser, un truc qui vous a énervé, n'hésitez pas, ça fait du bien, parlez-en à la France entière, c'est sur Skyrock. Bye. Donc 01 53 40 30 20, le 41 759, le skyrock.fm. Ouais. Et les super applis Skyrock pour envoyer des messages gratuits, pas cher. Ouais, exact. Très bien. On se fait quoi comme premier son? Ciao, ciao. Ah oui. Joule, ok, très bien. Ciao, à demain. Je tourne en rond. Ciao, Fredo. Ciao. Ciao. Salut, Fred. Ciao. Salut, c'était Match. Et ciao, à tout de suite pour la Radio Libre. Cette semaine dans le Morning.